tendance de la scène électronique. De cette semaine dans l'Eurotop Galaxy qu'on adore évidemment, sinon ça serait pas dans l'Eurotop. C'est classé numéro 35. Loïc B et la voix de Jonah Reyes, Make Me Shiver. Vous avez pu entendre juste avant le numéro 37 qui est arrivé le mois dernier. C'est Eric Price avec Jano. Il y avait également Andy Duguide. Classé numéro 38 et classé numéro 40, c'est avec ce morceau qu'on démarrait l'Eurotop Galaxy. Donc Terry Tonner et Hit de Positive qui fait également son entrée ce mois-ci. Entrez dans l'univers du dance floor. L'Eurotop Galaxy avec notre ami Jérôme B qui est comme d'habitude fidèle au rendez-vous. Bonsoir Hubert. Oh là, il y a des retours qui merdouillent un petit peu aujourd'hui. On essaie de régler tout ça, ça va mieux là? À mon avis, il y a des petits problèmes. Il y a un problème technique. Bon bah c'est pas grave, on enchaîne tout de suite avec la suite. J'ai dit la suite, voilà. C'est parti. On règle les petits problèmes et puis on revient tout à l'heure. Classé numéro 33, c'est une entrée ce mois-ci, c'est Electric Colors avec Wonderland. Yeah. Once Upon a Time, c'est une entrée dans l'Eurotop Galaxy, c'est classé 32e, c'est Mods and Sad et c'est le numéro 33 que vous avez pu entendre et apprécier juste avant. C'était Electric Color avec Wonderland qui faisait également son entrée aujourd'hui dans l'Eurotop Galaxy qui a lieu exceptionnellement aujourd'hui parce que vous devez le savoir, l'Eurotop Galaxy a lieu habituellement tous les derniers samedis du mois. Allez, tout de suite on refait une tentative avec Jérôme, mais c'est parti. Entrée dans l'univers du dance floor. L'Eurotop Galaxy. Jérôme B est là. Voilà. Apparemment, il y a un gros problème. Il va falloir te virer aujourd'hui, te priver d'antenne. Et puis, on va te retrouver tout au long de l'Eurotop Galaxy. Tu seras juste à côté de moi. Allez, à tout à l'heure, Jérôme. Et puis, on poursuit dans l'Eurotop Galaxy. Projetez-vous dans le futur. Looking to you. ça sent bon les vacances. Et en plus, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont avec nous dans l'Eurotop Galaxy. Ils sont malheureusement redescendus hein, depuis le temps. 31e, un remix de Dead Mo5, Not Alone, qui chute encore aujourd'hui de 18 places. Entrez dans l'univers du dance floor. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? Écoute, Galaxy. Classé donc en 24e position aujourd'hui. Il est arrivé d'ailleurs aujourd'hui aussi. C'est Dark Flower. On se fait tout de suite un petit rappel des titres classés dans l'Eurotop Galaxy. De la 30e à la 20e place. C'est parti. Entrez dans l'univers du dance floor. L'Eurotop Galaxy. Allez, on y va gaiement, donc de la 30e à la 20e place, classé numéro 30, c'est Moby, que malheureusement on n'aura pas l'occasion d'écouter aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas tous les écouter. Comme vous le savez, on est un petit peu limité, hein, 90 minutes, donc il faut faire quand même assez vite. Classé numéro 30, donc Moby, qui fait donc son entrée aujourd'hui, c'est Discolize, c'est le remix que vous avez bien sûr déjà entendu plusieurs fois sur Galaxy. Classé numéro 29, Out of Office avec Break of Down. 28, Fede Le Grand, Get This Feeling, qui ne bouge pas comparé au mois dernier. Classé numéro 27, Tom Craft avec Boogie Night, qui dégringole de 22 places. 26, c'est Sydney Blue avec Give It Up For Me. 25, Junior Boys et No Kind of Man, qui dégringole aussi de 19 places. Classé numéro 24, Robert Babis avec Dark Flower. Classé 23, c'est John Aqua Viva avec Sophia King. Numéro 22, Sébastien Léger avec Silo, qui fait son entrée ce mois-ci dans l'Eurotop Galaxy, qu'on aura aussi malheureusement pas l'occasion d'écouter. Classé numéro 21. Avant, vous le balance tout de suite. Et ouais, vous l'avez découvert sur Galaxy il y a maintenant quelques semaines. Young Hearts avec Run Free, qui perd 7 places. Donc avec la voix de Candy Staton, c'est Run Free, c'est classé 21e, ça perd 7 places ce mois-ci. Entrez dans l'univers du dance floor. Le Galaxy. Et Et si nous faisions tout de suite une nouvelle tentative avec Jérôme B, à mon avis, c'est mort pour aujourd'hui. C'est mort. Allez, je coupe parce que vraiment, le son est complètement pourri. Hein. Je suis vraiment désolé pour toi. J'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Sinon, tu peux m'en rejoindre. Tu peux rester avec moi de l'autre côté de la vitrine. Et puis, à mon avis, là, ça se passera un petit peu mieux. Allez, on poursuit tout de suite dans l'Eurotop. C'est l'Eurotop Galaxy, donc jusqu'à 19h30 avec le numéro 10 qui perd lui aussi 10 places. C'est Ian Oliver et EastEnders. Ça s'appelle Vino Vino. Oh ben justement, j'en boirai bien un petit coup moi tout de suite là. Des morceaux du moment sur lequel vous aimez évidemment faire la fête en ce moment, c'est Ian Oliver et EastEnders avec Vino Vino. C'est classé 19, classé numéro 18. Radio Slave qui est arrivé il y a maintenant, on va dire 8 semaines, c'est Dead Soul, ça perd encore 15 places ce mois-ci. Et classé numéro 17, ça va être une grosse surprise pour certains d'entre vous, c'est l'ancien numéro 1 de l'Eurotop Galaxy qui dégringole justement de 16 places aujourd'hui. Sandy V et Blip, c'est tout de suite juste après ça. Galaxy. Passion. For house. Ah! Disco, plastic, electro. Para poder verte. Position de l'Eurotop Galaxy qui a lieu, comme je vous le disais tout à l'heure, et normalement tous les derniers samedis du mois entre 18h et 19h30. C'est Mark Knight donc avec Men with the Red Face qui gagne encore 13 places aujourd'hui. Entrez dans l'univers du dance floor. It's true. Life will smile for you. It's true. Life will smile for you. C'était dans les studios de la radio, on a une interview exclusive avec notre ami Guillaume, qu'on salue d'ailleurs au passage il y a quelques semaines. C'est Roddy Reinhardt, classé déjà depuis 2 mois dans l'Eurotop Galaxy. Il grimpille encore de 6 places aujourd'hui avec Lifestyle, qui vient d'ailleurs juste de sortir sur le label Diamond Records. Roddy Reinhart, donc classé en 12e position dans l'Eurotop Galaxy. Roddy Reinhart qui, paraît-il, est parti vivre à l'étranger. Bah oui, c'est ce que j'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps. C'est de lifestyle, c'est 6 places de mieux comparé au mois dernier. On se fait tout de suite un petit rappel des titres classés dans cette Eurotop Galaxy de la 20e à la 10e place. C'est parti. Dans l'univers du dance floor. Galaxy. Galaxy. Allez, on y va gaiement. Classé numéro 20, c'est Eric Price avec F12, 19 Ian Oliver, Fit EastEnders avec Vino Vino qui grappille, qui perd plutôt. 12 places ce mois-ci, c'est pas la même chose. Hein. Numéro 18, Radio Slave avec Dead Soul qui dégringole également de 15 places. 17, c'est l'ancien numéro 1 de l'Eurotop Galaxy. Il était numéro 1 le mois dernier, c'est Sandy V avec Blip qui a donc chuté de 16 places. Classé numéro 16, Max Welder et Manu Canton avec Do You Remember qui dégringole également de 8 places ce mois-ci. Classé numéro 15, Star Killers avec The Rain qui grappille 10 places ce mois-ci. Numéro 14, Antenberg, qu'on aime bien sur Galaxy, surtout moi, c'est Acid Disco Plastic Electro qui gagne 3 places aujourd'hui. Classé numéro 13, on va reprendre sa respiration quand même. Classé numéro 13, Deadmo5 avec Lone With You qui gagne 7 places. Classé numéro 12, on l'écoute à l'instant, c'est Roddy Reinhart avec The Lifestyle qui gagne 6 places ce mois-ci. Classé numéro 11, c'est Quiver avec Soaring. Classé numéro 10, Mark Knight avec Men With, Men With The Red Face qui gagne 13 places, on va y arriver, vous inquiétez pas. Classé numéro 9, c'est Juan Magan et Marcos Rodriguez avec Bora Bora qu'on vous a fait découvrir sur Galaxy il y a une petite quinzaine de jours, et à mon avis ça risque de prendre le soleil ce truc là. Classé numéro 8, Andrea Doria et VS Elixir avec Beauty of Silence. Classé numéro 7, c'est Steve Lawler que vous allez pouvoir retrouver dans un instant, mais je pense que Jérôme a deux ou trois petites bricoles à nous annoncer. Son actualité musicale, par exemple. Tout à fait. Donc, Hubert, j'espère que tu vas bien. Oui, tout va bien. La forme? Oui, ça va. T'inquiète pas pour moi. Vas-y, annonce un petit peu la couleur. Voilà, donc vous pouvez me retrouver d'ici le 13 juillet, donc présent à la bûche pour la soirée Coxswain. À la bûche, à la bûche. À la bûche. Ouais, ouais. Spéciale soirée Coxswain partie, donc ce 13 juillet, voilà. Et je perds mes mots. Et puis le 19 juillet, ça sera la bascule au Quénois dans la Vénois pour ceux qui sont de Valenciennes, donc n'oubliez pas. La bascule. La bascule. La bascule. Oui. Ah, bon, ne pas connaître la bascule, hein. Tu connais pas? Ah non, mais soit je suis pas du tout d'actualité, ou soit c'est la bascule qui n'est pas d'actualité, je sais pas du tout. À mon avis, c'est moi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est toi. C'est bien ce que je me disais. Steve Lawler, classé numéro 7, c'est une entrée dans l'Eurotop Galaxy, Santeri Ketchup. Ça donne envie de manger des frites. Thank you. Galaxy. Galaxy. 95.3. Top Galaxy, il est 19h17, nous sommes en direct, vous avez pu le remarquer d'ailleurs, je n'en dirai pas plus. Et là, eh bien, en ce moment, on écoute donc Jean-Claude Hadès et Vincent Thomas et Shingaling, c'est classé numéro 4 aujourd'hui. Classé numéro 3, on le retrouve tout de suite, c'est Gregor Treacher qui nous parle de Black Rain et qui fait également son entrée ce mois-ci dans l'Eurotop Galaxy qui a lieu, je vous le rappelle, habituellement tous les derniers samedis du mois. Vous l'enfoncez bien comme il faut dans votre tête et il faut que ça devienne un réflexe. Gregor Treasure dans l'Eurotop Galaxy, classé numéro 3 avec Black Rain, qui fait, je vous le rappelle, son entrée ce mois-ci, classé numéro 4, vous avez pu l'entendre juste avant. C'est également une entrée, c'était Jean-Claude Hadès et Vincent Thomas avec Chingaling, classé numéro 2. C'est une reprise que vous entendez sur Galaxy déjà depuis un petit moment, vous l'avez aussi beaucoup balancé à l'époque. Oh, c'était dans les années 90. C'est numéro 2, c'est une entrée ce mois-ci également, décidément, il y a pas mal d'entrées, hein. Il y en a 14 exactement. Allez, on va pas tarder plus longtemps, c'est Snap et Rhythm is a Dancer, c'est le remix 2008, c'est parti. Rhythm and a dancer, it's a soul companion. People feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, you can feel it, yeah. It's a passion. Oh, rhythm is a dancer. It's a soul companion. People feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the ça doit rappeler de bons souvenirs à certains d'entre vous et notamment les plus âgés quand même. Snap, Rhythm is a Dancer, donc le remix 2008 classé numéro 2, c'est une entrée donc qui est arrivée ce mois-ci. Entrée dans l'univers du Dancefloor. Eurotop Galaxy. Eh bien oui, vous écoutez l'Eurotop Galaxy, c'est la fin puisqu'on va devoir se quitter dans quelques minutes. C'est Claude Monet qui va prendre le relais pendant une heure. Claude Monet, vous retrouvez également tous les samedis. On va vous faire tout de suite un petit rappel de la 15e à la première place et puis on se dira au revoir juste après. Classé numéro 15, Star Killers et The Rain qui grappille donc 10 places ce mois-ci. Classé numéro 14, Ampenberg avec Acid Disco Plastic Electro. Numéro 13, Jackson 5 avec Alone With You qui grimpe de 7 places ce mois-ci, numéro 12 plutôt. Rudy Reinhardt, que vous connaissez bien sûr, hein, puisqu'il est de la région, mais comme je disais tout à l'heure, il est parti à l'étranger, c'est de Lifestyle, qui grimpe encore de 6 places ce mois-ci. Classé numéro 11, Quiver avec Sorine, c'est plus 5 places. Classé numéro 10, Mark Knight avec A Man With The Red Face. Vous voyez que cette fois-ci, je l'ai dit de la première fois. Numéro 9, Juan Mangan et Marcos Rodriguez avec Bora Bora, morceau à surveiller, puisque à mon avis, ça va faire un tube cet été dans les dance floors. Classé numéro 8, Andrea Doria, VS Elixir avec Beauty of Silence. Numéro 7, Steve Lawler avec Suntory Ketchup qui est arrivé aujourd'hui. Numéro 6, Digi Toca Disco avec Street Girls qui grimpe d'une petite place ce mois-ci. Numéro 5, Outwork, Fiesta Electronica qui gagne 14 places. Classé numéro 4, Jean-Claude Adès qu'on écoutait tout à l'heure qui est arrivé aujourd'hui. C'est Shingiling. Classé numéro 3, Gregor Treacher avec Black Rain. Numéro 2, on les écoutait à l'instant, c'est Snap avec Rhythm is a Dancer. C'est le remix 2008 qui a fait son entrée aujourd'hui. Classé number 1, à votre avis, qui a grappillé la place de number 1 à Sandy V Blip, puisqu'ils étaient numéro 1 le mois dernier? Eh bien, je vous le dis tout de suite, hein, je ne vais pas vous faire traîner plus longtemps. C'est Delirium avec Silence. C'est le remix de Nels Van Gogh que vous écoutez bien sûr sur Galaxy déjà depuis un petit moment. Voilà, Jérôme B, tu peux me rejoindre. On va dire au revoir à tous ces braves gens. Et on leur dit pour l'Eurotop Galaxy, bon, qu'on va prendre un petit peu de vacances. On se retrouvera bien sûr en septembre. L'Eurotop Galaxy continuera d'être édité, puisque vous aurez l'occasion de retrouver le classement tous les mois, sans interruption, durant toute l'année, du mois de janvier à décembre. Sauf qu'on fait un petit break et on se retrouvera bien sûr tous les derniers samedis du mois, donc à partir de la rentrée, c'est-à-dire à partir du mois de septembre. Voilà, je vous balance tout de suite le numéro 1, c'est Delirium, Silence, le remix de Nels Van Gogh, que vous retrouvez bien sûr maintenant un petit peu partout. Voilà, viens dire au revoir à maman, s'il te plaît. Merci tonton Hubert. Bah, écoutez, on vous souhaite une excellente soirée, surtout n'oubliez pas mon émission ce soir. Tu veux un petit peu de réverb? Non, ouais, mais je peux te faire ça si tu veux. Oui, vas-y, allez. Bon. Non, mais n'oubliez pas ce soir l'émission Party House, 23h01, comme tous les samedis. Et puis, j'ai un bon plan pour ceux ou celles qui veulent sortir à l'âge de Zeus ce soir. Si vous voulez dénicher une entrée gratuite avant 1h du matin. Je pensais que tu allais dire dénichon. Non, dénicher. Ah ouais. Et bien, une entrée gratuite, il suffit de vous connecter sur www.pilipili.com, rubrique la nuit, et vous allez pouvoir décrocher une place gratuite avant 1h du matin à l'âge de Zeus et à la bûche vendredi prochain. Voilà qui est dit. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Il est pile poil 19h30. Dans un instant, je vous l'ai annoncé, c'est Claude Monet pendant 1h. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve samedi prochain donc pour Electrochic entre 10h et midi. Salut.